Villégiature par Léo Larguet. J'ai rencontré hier dans une petite ville que je traversais un ami que je n'ai d'abord pas reconnu. Il villégiaturait aux environs, et vêtu comme un brigand d'opérette, il était venu aux provisions avec la carriole d'un fermier. Nous nous assîmes devant un café et il encombra plusieurs chaises de colis dont il se mit à refaire l'emballage. Vous permettez, dit-il, ils ne savent même pas ficeler un paquet dans ce pays. Je devinais qu'il goûtait peu les joies obligatoires de la campagne. « Vous êtes splendide, affirmai-je. Vous avez bruni et la nature vous réussit. » Et je plaçai deux ou trois clichés sur l'air pur, les arbres et la tranquillité loin de Paris. « Mon cher, répondit-il, vous en avez de bonnes. Depuis le 20 juin, je ne sais pas ce que c'est que le repos. D'abord, la servante nous a quittés. On avait omis de la prévenir que l'eau n'était pas au-dessus de l'évier. » Elle a refusé d'aller net la chercher à 30 mètres de la maison. Bien entendu, nous avons pris des décisions héroïques. Nous nous servirions nous-mêmes. Tant mieux. Mon fils a 7 ans et ma fille 5. Ils peuvent rendre de menus services. Ma femme a décidé qu'elle se mettrait à la cuisine, aidée de la fermière. Le boulanger passe tous les 3 jours et le pain est rassis, je ne vous dis que ça. Et il paraît d'ailleurs que c'est très sain. Mon unique distraction, vous voyez en quoi elle consiste. Je descends à la ville, le jour du marché, avec le paysan qui vient vendre ses légumes et ses poulets, je profite pour faire à la hâte des achats. Je tire aussi de l'eau. Je tourne la roue comme un esclave romain. Le puits est bas et je n'arrive jamais à remplir le seau. Il en faut pour la cuisine, pour les tubes de ma femme et de mes gosses, car moi je n'ai jamais le temps de me baigner. Mes enfants sont devenus des espèces de vagabonds champêtres. Il garde les bêtes avec ceux de l'homme qui me conduit, et je tremble perpétuellement de les voir au milieu des vaches et des bœufs. Que voulez-vous, quand je passe à côté des animaux, je ne suis pas tranquille. Ils sont paisibles, c'est entendu. Mais enfin, ces masses énormes pourraient s'animer, et alors il faudrait être toréador pour se défendre, et encore. J'ai été piqué par des guêpes. On mange dehors, naturellement, et dès qu'il y a un peu de sucre sur la table, elles arrivent. Ces êtres ont un flair extraordinaire. Il y a, de plus, toute une colonie de frelons entre la gouttière et le toit. Ceux-là sont féroces, et ils font le soir un bourdonnement entêté de moteurs. Je me crois encore au front, ma parole, vous savez, à l'heure trouble, où la première fusée montait comme une chenille de feu rouge, et qu'on entendait de l'autre côté, loin, loin, le bruit obsédant, sourd, régulier et têtu d'un avion ennemi, en route avec ses 4 bombes réglementaires. Si je dormais, au moins, mais je ne peux pas. Les lits sont inhospitaliers. Ils sont bons peut-être pour un gars qui a moissonné, fauché les prés ou les blés depuis l'aurore, mais malgré mes petites corvées éreintantes, je ne suis pas assez moulu. D'ailleurs, je m'y serais sans doute habitué si le bruit ne troublait pas mon sommeil. On arrive à dormir près d'un viaduc ou passe des trains. On dort jusqu'à 10 heures rue Montmartre ou rue Lafayette, mais moi je ne dors pas à la campagne. À peine ai-je soufflé ma chandelle que j'entends susurrer un moustique. Pour le chasser, quand je le crois sur ma joue, je m'envoie des gifles dont il se moque. Des insectes nocturnes, dont certainement personne ne sait les noms, semblent exercer en chambre les métiers les plus bruyants. Il y en a qui taraudent le bois du lit, d'autres qui scient la table de toilette, qui liment, crissent, se cognent au mur, et quand, terrassé enfin, je parviens à m'endormir, ce n'est jamais pour longtemps, car je dois me lever à 4 heures pour fermer ma fenêtre. Un corbeau passe en croassant. Un coucou s'éveille dans un arbre et fait son bruit stupide d'horlogerie et de mécanique. La première fois, j'ai cru que c'était une pendule dans la maison. Coucou, coucou. 2 heures, me suis-je dit en essayant de reprendre mon sommeil. Non, voyez-vous, la nature se venge sur les citadins qui viennent la troubler. Une branche basse leur ôte le chapeau. Les ronces les griffent sournoisement, et s'il y a un dard de moustique ou de guêpe, c'est pour eux. Vivement le 15 septembre! On ne peut pas rentrer avant, que penserait la concierge? Je n'ai pas pu lire un livre depuis un mois, pas touché à un jeu de cartes. Et voici le premier apéritif que je bois, moi qui adore l'heure tranquille, 6 heures, dans un petit café d'habitué, où l'on a sa place retenue, dans le bon coin, où l'on fait mousser un siphon en jouant une consommation entre vieux amis. Rien! Je puise de l'eau. Je viens acheter du café, du sucre, du savon et du tapioca. Et j'écoute le coucou. 11 heures sonnèrent un vieux clocher cuit et patiné par des siècles de soleil. La petite ville ressemblait encore à une dame en bigoudi, et l'hôtel du commerce nous envoyait des bouffées de sole frites et de citron. Il se leva d'un bond. « Diable ! » dit-il. « Le voiturier m'attend à l'octroi. Je vous laisse. À bientôt !» Je n'avais pu placer un mot, et je regardais disparaître cet homme heureux, qui n'appréciait pas la nature et qui se croyait condamné comme beaucoup d'autres à 3 mois de campagne forcée. C'était Villégiature par Léo Larguier.